107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Véronique et Alain. Bonjour, comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle à nos auditeurs en quelques mots? Bonjour, je suis Véronique Girardot, je suis organisatrice du Téléthon sur la commune d'Éloie, voilà, depuis 30 ans environ, nous organisons un gros téléthon sur notre commune. Oui, ben moi, Alain Jean-Jacques, ça fait le 8e année que je viens au téléthon. Donc moi, j'organise un trail. C'est Véronique qui m'avait demandé, ainsi que Laurent Lebas. Donc ça fait 8 ans cette année, je crois qu'on vient organiser notre trail, qui est réservé donc aux coureurs et ainsi qu'aux marcheurs. Et pour l'organisation, je crois que ça a pris pas mal de temps. J'avais reçu Christian il y a quelques semaines. Il m'a dit que vous étiez en pleine organisation, que c'était assez compliqué au niveau papier et tout ça pour le Téléthon. Alors, c'est rien de le dire, oui. Bon, déjà, le Téléthon, on l'organise. Il nous faut 4 ou 5 mois pour l'organiser parce qu'il faut déjà faire les parcours du trail. Après, il faut emballer les lots, réserver la salle, mettre en place tout ce qui concerne notre repas, contacter les bénévoles. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, depuis le mois de septembre, effectivement, nous travaillons sur le Téléthon. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents dans l'association Le Téléthon des Lois? Alors, je tiens à préciser que nous ne sommes pas une association et nous ne voulons pas être une association parce que nous sommes un groupe de bénévoles. Vient qui veut, quand ils veulent. Ça ne fiche pas les postes. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et donc, si vous voulez, on a une quarantaine de bénévoles. Tous les ans, on a des nouveaux bénévoles, des gens qui ont envie de venir avec nous, de nous aider. Voilà, c'est pas... Comment expliquer? Comme nous ne sommes pas en association, c'est des discussions, c'est des rencontres, c'est des amis qui prennent des décisions ensemble. Voilà, on fait un trail. Bon, Alain, Laurent décident des parcours. On en discute, on les reconnaît. Et puis après, on a l'habitude. Hein, tous les bénévoles ont l'habitude. Il y a des rendez-vous, par exemple, tous les jeudis après-midi, nous emballons les lots. Ils le savent. Les jeudis après-midi sont réservés pour participer à ce petit travail. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser un téléthon à Éloie? Alors, déjà, le fait que ça aide... Moi, quand je regarde l'émission à la télé et que je vois ces enfants en fauteuil roulant, enfin l'espoir des familles qui ont envie que la maladie soit vaincue, qu'il n'y ait plus de maladie génétique, enfin le moins possible et tout ça, je pense que c'est un bon moteur. Hein, je pense qu'Alain, c'est la même chose pour toi. Bien sûr, on est touché quand on voit ce qui se passe, tous ces enfants là qui sont malades. Et depuis de longues années que le Téléthon existe, grâce à ça, il y a quand même des maladies il y a eu énormément de progrès donc sur ces maladies. Il y a des enfants qui vont mieux et ça, c'est ce qui donne envie à plein de gens de s'investir pour cette journée du Téléthon. C'est pour ça. Donc on sait qu'on c'est pour une bonne cause quoi. Et la recherche avance. Il y a des maladies qui arrivent. On arrive à guérir ou à, en tout cas à améliorer le sort de certaines maladies de certains enfants. Donc ça, c'est quand même c'est une belle avancée. Il y a de belles avancées. Voilà. Est-ce que vous avez des sponsors et des partenaires pour cet événement? Oui, bien sûr. En fait, on a même pas trop de difficultés. On demande, les gens donnent ce qu'ils veulent par rapport à leur budget, bien sûr. Des petites entreprises. Je prends l'exemple des flyers. On demande, tiens, on a nos flyers à faire. Est-ce que vous nous les payez? Il y en a qui, aucun souci. Donc, ils savent très bien que tout est reversé et tout, c'est pour le Téléthon. Donc voilà. Quand on parle de Téléthon, on sait très bien que c'est pour une bonne cause, c'est que pour vaincre plein de maladies. On a pour les enfants, voilà. Oui, on a un gros sponsor local qui nous aide bien, qui nous paye les flyers, qui fait un gros don, qui nous offre les desserts. Et puis, on a un boulanger, enfin voilà, on a des petits sponsors qui... Tout ça nous permet d'avoir peu de frais et ben, de pouvoir reverser 90% de notre recette à l'AFM. Alors justement, c'est quoi l'AFM, en quelques mots ? Alors l'AFM, c'est une association qui a été créée au niveau national par une famille qui avait 4 enfants atteints de myopathie et donc qui ont vu un exemple, cet exemple de manifestation, je crois que ça vient des États-Unis, et ensuite qui ont créé ça pour justement récolter des fonds pour pouvoir faire avancer la recherche. Et du coup, ils ont créé le Téléthon, mais le Téléthon, c'est quoi ? Alors, le Téléthon, c'est un groupement de manifestations sur la France. Un week-end... Bon, alors, c'est médiatisé le week-end du 8-9 décembre au niveau national parce qu'ils ont la chance d'avoir un support avec la télé, hein, avec une chaîne qui passe pendant, je crois que c'est 48 heures, les manifestations et les événements. Mais le Téléthon, on peut faire des manifestations de septembre à janvier, par exemple. Hein, il y a une manifestation nationale ce week-end-là, mais le Téléthon, vous pouvez faire les manifestations toute l'année. Le principal, c'est de faire un contrat avec l'AFM parce que c'est très figé. Il y a des contrats qui sont établis entre l'AFM et l'organisateur pour être identifié au niveau national. Ah, il y a un numéro de téléphone que vous entendrez pas mal durant ce week-end du 8 et 9 décembre, c'est le 3637, voilà. Qui est un numéro d'appel pour donner des dons à l'association AFM. Nous parlerons des animations prévues à Loi un tout petit peu plus tard dans l'émission. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de sport. Vous voulez savoir pourquoi ? Alors restez avec nous sur le 107. On va danser tous les deux sous les sombreros. Olé, mi amigo, sous le soleil chaud, viens vite prendre l'apéro. Olé, pour le paso, ensemble on va mettre l'ambiance comme une danse de flamenco. Olé, señorita, on est tous là pour danser, boire un coup et vive la sangria. Olé. On va danser tous les deux sous les sombreros. Olé, mi amigo, sous le soleil chaud, viens vite prendre l'apéro. Olé, pour le paso, ensemble on va mettre l'ambiance pour les danser de flamenco. Olé, señorita, on est tous là pour danser, pour un coup et vive la sangria. Olé. Thank you. sommes de retour sur les ondes de RGM avec Véronique et Alain. Alors Alain, vous êtes l'organisateur de différents événements sportifs, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, je ne suis pas organisateur de différents sports, hein. Je fais juste le trail pour le Téléthon, moi je n'organise rien d'autrement, quoi. Donc... Eh ben donc ça fait la 8e année, donc on a énormément de sentiers sur Éloie ainsi que les communes environnantes, donc ce qui nous permet de faire des beaux parcours avec comme objectif d'aller au Cuveau. C'est un des plus beaux sites d'Éloie, quoi. Les Cuveaux, c'est tout en haut d'Éloie, c'est ça, dans la forêt ? Oui, c'est sur des roches, les roches des Cuveaux. Parce que donc, moi, j'habite près de l'étang du Chéna et ça a l'air de bien grimper pour y aller quand même. Ah, ça grimpe, oui. c'est sûr. Mais bon, pour les gens qui font du sport, c'est agréable, hein, puis voilà. Alors justement, c'est quoi un trail ? Un trail, bah, c'est de la course à pied dans les chemins. C'est un peu comme le cross, hein. La différence, c'est que on peut monter dans les pierres, on peut monter c'est de tout terrain, quoi. J'imagine que ça demande quand même d'avoir une certaine forme physique pour faire ça. Oui, ben bien sûr, oui. Après, le jour du Téléthon, c'est pas une compétition. Hein. Il n'y a pas de premier, qu'on soit premier ou dernier, c'est pas du tout chronométré. Le but, c'est de venir faire ce parcours et puis voilà, quoi. Il y a des gens de tout niveau. Hein. Est-ce qu'il faut des équipements particuliers, par exemple, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type de chaussures ou pas ? Bah, il vaut mieux avoir une bonne paire de chaussures, hein. C'est comme un véhicule, si on ne met pas des bons pneus, on risque de glisser, donc c'est un peu pareil. Hein. Surtout qu'au mois de décembre, avec ce qui vient de tomber, c'est quand même, on va dire, ça glisse un peu, quoi. On ne pourra pas quand même y aller avec les bottes en plastique. Je pense, non, il ne faut pas prendre les bottes. Est-ce qu'il y aura plusieurs parcours ? Oui, il y a 3 parcours, donc il y aura un 9 km, donc, qui est réservé à un peu des gens qui font moins de trail, parce que les dénivelés sont quand même assez conséquents. Malgré tout, pour un 9 km, on aura quand même 490 mètres de dénivelé. Voilà, bah après, on le fait à son rythme. Hein. Et il y aura un deuxième parcours, 14 km, et un troisième de 19 km. Et eux, ils vont aller au Cuveau. Avec le but, c'est d'aller au Cuveau et puis de redescendre. Ah, je vous avais reçu l'année dernière, on avait parlé de trail aussi, mais est-ce que c'est le même parcours que l'année dernière non, ou pas ? Non, c'est pas les mêmes parcours. On a repris des parcours qu'on avait fait en 2017. Est-ce qu'il y aura aussi de la marche le 10 décembre ? Oui. En fait, on aura la course, y aura un départ officiel à 8h30. Mais après, les gens qui veulent partir, je pense que c'est vers jusqu'à 10h30. Jusqu'à 10h30, les gens qui veulent faire ces parcours en marchant, il n'y a aucun souci. Par contre, ils resteront balisés puisqu'on débalisera que dans la semaine. Il n'y a aucun souci. Et est-ce que ce sera accessible aux familles qui ont des poussettes ? Non, pas du tout. Non. Ah non, là-dessus, on nous a déjà posé la question. Non, malheureusement, on ne peut pas. Hein. La poussette dans les bois, en plus, vu le terrain comme il est en ce moment, non, c'est totalement impossible. J'ai vu aussi, via le petit flyer qui était déposé dans ma boîte aux lettres, qu'il y aura une course nature. C'est quoi ça ? C'est le même terme. C'est le même terme. Hein. C'est ça, course nature. Hein. Oui, c'est le même terme. Hein. J'imaginais qu'on devait courir et qu'il y avait de la nourriture après. Ah non. Bon, on aura un ravitaillement qui sera, je ne sais plus, au 5e kilomètre à peu près, oui. Que toutes les 3 parcours vont se rejoindre là et il y aura un ravitaillement sympa avec un petit ravitaillement sympa, quoi. En musique. En musique en plus, ouais, puisque, oui, on aura l'accordéon. Est-ce que les gens doivent s'inscrire et si oui, comment ? Bah, ils s'inscrivent sur place le matin même. On ne prend pas d'inscription avant. Vous serez très bien reçus. Vous aurez toutes les filles là, qui vous attendront pour vous inscrire. Je vous avais reçu l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de la saison précédente du Téléthon ? Comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est vraiment très bien passé, puisqu'on a battu tous les records. Hein, au niveau des coureurs, on n'avait jamais eu autant de monde. Donc... franchement, on était super contents. Donc on espère, si on pouvait encore le battre, ce serait que bénéfique pour le Téléthon, toujours. Hein. Et pour les dons aussi, vous avez constaté une hausse par rapport aux années précédentes ? Alors, on a battu tous les records au niveau trail, au niveau choucroute, au niveau lot. Bon, après, les dons, ça reste stable. Bon, nous, ce qu'il y a, c'est vrai que les gens se mobilisent beaucoup sur Éloie. Donc le résultat financier a été de 13 464 euros. Donc, ce qui est pour une commune comme Éloie, exceptionnel. Vous me disiez hors antenne qu'il y avait tellement de monde que vous n'avez pas pu accepter tout le monde. Alors oui, on a refusé des personnes pour la choucroute parce que la capacité de la salle et la sécurité ne nous permet pas d'accueillir plus de... On a eu 330 personnes, oui. Et quand vous voyez tout le monde qui arrive, là, ça ne doit pas être évident de gérer au niveau émotionnel. Alors, je pense que c'est le plus compliqué. Hein. Le plus compliqué, c'est de faire les plans de table, d'accueillir les gens, de ménager les susceptibilités avec... comment les placer. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais après, une fois ce moment passé, après, tout va bien. Hein. On a un excellent musicien, on a une bonne choucroute, fait par un ami trailer, et donc tout se passe bien après. Et quand il y a du monde qui arrive, il ne faut surtout pas céder à la panique, quand il y a du monde supplémentaire qui n'a pas réservé. Alors non, ça arrive peu. Hein. Ce qui se passait avant, voilà, quand j'ai atteint un quota de réservation, je suis obligée de refuser. Mais les gens savent qu'il faut réserver. Donc on n'a jamais personne qui arrive en disant « est-ce que je peux manger sur place hein? ?» Voilà. Vous avez des habitués ? Oh oui, je dirais que la moitié, voire les trois quarts sont des habitués. Hein. Ah oui, là, il y a des gens pour qui c'est... Je pense qu'ils sont toujours venus au repas de la choucroute du Téléthon. Ça doit être assez familial, du coup, comme ambiance. Ah oui, ça permet à beaucoup de gens de se retrouver. On a des... C'est pas un problème, c'est un petit souci d'organisation parce qu'on a des grandes tables, on a des groupes de 13, 14, quelquefois 20 personnes qui nous réservent. Et ben voilà, donc il faut arriver à les satisfaire pour qu'ils puissent être ensemble dans de meilleures conditions. Est-ce que vous avez du monde qui va vous aider pour servir les repas, par exemple ? Ah oui, on a beaucoup, on a des bénévoles, qui font d'ailleurs, qui sont généralement, on en a certaines qui sont au stand des réservations le matin, qui font le travail et qui après nous servent sur la choucroute. Ah, c'est dynamique, hein. Quand il y a beaucoup de monde, les services en patin roulette, ça peut être pas mal aussi. Oui, pourquoi pas. Mais je pense que pour sillonner dans la salle, ce serait compliqué. Je pense qu'il y aurait des chutes. Très bien. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de toutes les animations prévues pour le Téléthon à Eloa. On vous laisse avec le générique du Téléthon et Vianney. On se retrouvera juste après sur Radio Guimauzo. Thank you.

Est-ce que, comme l'année dernière, il y aura des lots exposés et qu'est-ce que ça sera ? Alors, on aura, cette année, je pense qu'on va arriver à 400 lots exposés. Donc, on vend des enveloppes pour 2 euros et toutes les enveloppes sont gagnantes. Et l'année dernière, c'était quoi comme lot ? Alors, là, on a plein de lots différents. Cette année, on a beaucoup de livres, on a des mugs, on a un peu de vaisselle, des verres. Enfin, voilà, on nous donne beaucoup de lots. Hein. Donc, voilà, ça peut être différent. Il y a différentes sortes de lots. Je ne peux même pas vous dire exactement. Il y a de tout. Du linge, des serviettes, voilà, des confitures. Il y aura aussi une tombola. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, nous avons la chance de connaître des artistes peintres locaux, enfin des peintres qui peignent pour leur plaisir et qui nous font don de tableaux. Et donc, nous avons une tombola pour les tableaux et pour gagner aussi un jambon. Voilà, on a notre boucher local qui nous offre un jambon. Et donc, voilà, ça nous permet de faire deux tombolas. Et c'est du jambon serrano du... Non, je crois pas. Non, c'est un jambon fumé, mais excellent, hein, fait maison. Enfin, voilà. Alors, il y aura différents repas, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ça sera quoi ? Alors, nous avons le thème, c'est la choucroute, hein, bien sûr. Hein. Donc, nous avons une choucroute garnie avec du fromage et un dessert, une glace. Hein, voilà. Et puis, ensuite, nous donnons le choix aussi, parce que, voilà, tout le monde ne mange pas de choucroute. Pour manger une cuisse de poulet avec des pommes de terre, du fromage et aussi un dessert. Et nous avons un menu enfant avec, pareil, des pommes de terre, de la saucisse et un dessert. Donc, la choucroute est à 15 euros, le poulet à 13 et le menu enfant à 7. Alors, je sais qu'il faut réserver, mais est-ce qu'il y a une date de limite des réservations pour le 10 décembre ? Alors, le mieux, c'est de réserver avant le 30 novembre. Bon, mais après, on sait qu'il y a des gens qui vont se décider après. Je prends jusqu'à ce que je sois au maximum des réservations. Le but, c'est de récolter de l'argent, hein, donc... Et est-ce que c'est vous qui gérez toutes les réservations, justement ? Alors oui, moi je gère les réservations. Et après, avec un groupe d'amis, enfin amis bénévoles, deux jours avant, on se met tout ensemble et on fait les plans de table. Voilà, on décide, on fait les tables. Enfin, voilà, on fait le plan de table et comment placer les gens. Parce que les gens, quand ils arrivent, ils ont déjà leur placement. Sinon, ce serait trop compliqué. Et le trail après la choucroute, c'est la récompense après l'effort ? Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a ramené beaucoup de jeunesse justement à ce repas-là, parce que bah, y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas forcément, puis en venant courir, bah, ils ont découvert qu'on pouvait manger, donc ça met une super ambiance. Logiquement, on devrait faire l'inverse, manger et après courir. Oh oui, mais alors là, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même, parce que manger une choucroute et puis monter au cuveau, je crois que là, on aurait des soucis. Hein. Alors, ça se passera où le Téléthon cette année ? Comme d'habitude, au Centre culturel des Lois. Nous avons la chance d'avoir un bel espace, là. Bien sûr, nous avons le soutien de la mairie, hein, qui nous prête la salle, qui nous prête du matériel. Enfin, donc, c'est vrai que c'est une chance pour nous de voir cette grande salle où nous pouvons accueillir à la fois tout le monde. Je pense qu'il y a plus de 900 personnes qui passent sur notre Téléthon ce jour-là. Si on additionne les coureurs, les gens qui vont au repas, les gens qui rentrent uniquement pour acheter des enveloppes, je pense qu'on n'est pas loin, oui, de 900 personnes. Alors, vous organisez chaque année le Téléthon. Une fois que c'est fini, il faut que vous prépariez pour préparer l'autre d'après. Donc, ça doit prendre pas mal de temps, tout ça, et d'énergie, surtout. Oui, bon, on se laisse un peu de repos entre, oui. Quand même. Et après, il faut de l'énergie, mais je pense qu'on fait... Voilà, déjà, c'est pour une belle cause. Après, on fait des belles rencontres. Voilà, c'est sympathique. Et puis, je pense qu'on apporte aussi... je pense qu'entre bénévoles, tout se passe bien. Je pense que les gens... nous avons des bons retours. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Après, bon, la semaine qui suit, c'est vrai qu'il faut... on retourne sur les parcours, il faut débaliser. Hein. On nous laisse une forêt propre, on la rend propre. Hein, ça, voilà. C'est le but, hein. C'est le but. Donc, ça permet encore de se retrouver. Donc, comme ça se passe beaucoup la semaine, c'est beaucoup des retraités qui peuvent venir. Donc, mais après, toute personne qui veut participer, elle est bienvenue, hein. Il y a une question que je voulais vous poser, Alain. Est-ce que les animaux sont acceptés pour le trail ? Bien sûr, oui, on peut très bien faire ses parcours avec je pense que c'est beaucoup les chiens. Hein. Donc, à partir du moment où ils sont en laisse, puisque il faut pas laisser les animaux en liberté, il y a aucun souci, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? C'est de battre les records. Hein. Nous, On veut pas aller plus vite que... C'est pas une compétition, mais par contre, battre le record de participants, c'est notre objectif. Hein. Ouais. Donc, en sachant que si plus on aura de monde, plus on aura de rentrée d'argent. Et donc, ce sera toujours pour le Téléthon, pour soigner ses enfants malades. Super, et ben l'appel est lancé, auditeur, si tu veux participer. Il te suffit de contacter Véronique avant le 30 novembre pour participer, manger la choucroute, et puis Alain pour le trail le 10 décembre à partir de 8h du matin, c'est ça? Oui, oui. Donc le départ sera 8h30, mais à partir de 7h30, on prend les inscriptions. Parce que si tout le monde vient en même temps, c'est toujours un peu la panique, mais c'est pas grave, on gère. En sachant voilà. qu'on peut retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux, parce que nous avons une page Facebook qui s'appelle Téléthon Élois, où les flyers sont en ligne et où on peut nous poser des questions. Super. De toute façon, on mettra toutes ces informations aussi via nos réseaux sociaux. Cette émission est maintenant terminée. Véronique et Alain, merci d'avoir été avec nous. Merci. Beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. On vous attend le dimanche 10 décembre. J'espère que de nombreuses personnes viendront participer aux différentes animations prévues pour le 10 décembre et que vous pourrez récolter un maximum d'argent qui sera entièrement reversé à l'Association française contre les myopathies. Quant à nous, auditeurs de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.